maintenant d'Alex Bussière. Alex Bussière qui est parti pour le championnat canadien d'athlétisme en fin de semaine. Et si je l'ai vu sur les médias sociaux, il n'avait pas de l'air plus content qu'il faut. Quoi qu'il en soit, on va lui parler. Salut Alex. Salut. Oui, Alex, est-ce que je me trompe en me disant que tu n'étais pas plus content qu'il faut que de ta performance? Oui, en effet, au Canadien, je participais donc aux 800 mètres. Okay. L'objectif était de faire la finale, donc fermer dans les 8 premiers, parce qu'en fond, il en prenne 8 pour la finale. Okay. Dans notre cas, il y avait 3 vagues de demi-finale, donc c'était les 2 premiers de chaque vague, plus les 2 meilleurs temps dans toutes les vagues, dans l'ensemble des vagues. Okay. Fait que moi, j'ai terminé 4e de ma vague avec un temps de 52-15. C'est pas été suffisant pour faire la finale. Au niveau du temps, il manquait 0,50 centièmes, en fait. Okay. C'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est pour ça, dans le fond, j'étais déçu parce que au final, je termine 10e de ce championnat-là. Puis tant qu'à moi, faire la finale, je pense que c'était vraiment possible. Puis j'ai manqué mon opportunité là. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est toi qui... est-ce que la compétition était forte ou tu penses que t'as vraiment craqué? Je crois que j'ai... Dans le fond, mon premier 200 mètres, je me sentais vraiment trop bien. Ce jour-là, je me sentais déjà vraiment plus bien que d'habitude. Okay. Ce qui me surprenait. Absolument, j'ai souvent une sensation de jambes lourdes. Je fais pas trop bien. Je suis un peu insécure. Puis là, cette journée-là, je voulais vraiment bien. Je me suis fait confiance, mais peut-être un peu trop. Le premier 200 mètres, je suis parti très vite. Je me suis ramassé rapidement premier après 100 mètres. Puis là, j'ai dit que ça n'avait pas d'allure. Il fallait pas que je me mette dans cette position-là parce que ça allait être stratégique. Il faut pas que tu puisses tirer le peloton non plus. Donc, j'ai ralenti. Et à 200 mètres, je me suis positionné deuxième. Mais déjà là, le mal, je crois qu'il était fait. Je suis parti beaucoup trop vite sur le premier 200 mètres. Et ça a fait en sorte que le dernier 50 mètres, j'ai complètement explosé et j'ai pas été capable de me ramener sur les mains. Okay. La piste, es-tu rapide? C'est une piste assez rapide? Oui. C'est une piste très rapide. C'est une piste avec une surface très dure. Okay. Si je me rappelle bien, c'est la même piste que les mondiaux à Berlin de 2009. Okay. C'est la même surface. C'est une piste très rapide. Okay. Il y a beaucoup de chronos qui ont été très rapides. OK. Pourquoi tu étais juste tu faisais juste le 400 mètres? Y a-t-il une raison particulière? 800 mètres, oui. Y a-t-il une raison particulière? Est-ce que tu compétitions dans d'autres catégories aussi? T'avais pas réussi à te classer? Non, mais c'est parce que, en fait, justement, vu, mettons, en championnat, tu passes par plusieurs rondes de qualification. Okay. Dans mon cas, j'avais la demi-finale du 800 mètres et, admettons, j'aurais couru le 1500 mètres. J'aurais peut-être pu faire, mettons, demi-finale 1500 mètres, après ça, demi-finale 800 mètres, après ça, finale 1500 mètres et finale 800 mètres. Faut toujours que tu penses, mettons, que tu prends jusqu'au bout, ça te donne combien de courses? 4 courses en 2 jours, c'est pas beaucoup. OK. Fait que c'est pour ça qu'on prévoit, on fait juste une compétition habituellement à ces championnats-là, tout dépendant de l'horaire prévu. OK. Du côté de la compétition, c'était-tu quand même une compétition? T'as dit que t'aurais été capable, t'as craqué un peu, mais est-ce que la compétition t'est relevée? Est-ce que la coop des coureurs canadiens, ça n'est bonne? Non, eh bien, en fait, les meilleurs coureurs n'étaient pas présents. Il y a deux coureurs qui sont comme partis aux Jeux mondiaux universitaires. Puis, les deux meilleurs, ils ont décidé d'annuler la compétition comme 2 jours avant. Okay. Donc, ça fait pour ça que moi, j'espérais vraiment me rendre en finale, puis que c'était comme l'année, si je pouvais le faire, ça allait être le plus simple, entre guillemets, mais c'était vraiment réalisable, c'était beaucoup moins fort que les autres années. J'étais là en avant-face de la finale, j'ai vu la finale, puis c'était n'importe quoi. J'ai jamais vu une finale aussi dégueulasse que ça, comme aux Canadiens. Je dénigre aucun coureur qui était là, mais il manquait les meilleurs, puis c'était pas les meilleurs qui ont fini dans le top 3. Okay. Donc, c'est quoi là ta prochaine compétition? C'est tu m'as dit que ça allait être bientôt, c'est à la fin du mois de juillet, c'est ça? Oui, ben en fait, dans 2 semaines, je vais participer au championnat provincial du Québec. Okay. Pour me faire le 5000 mètres. Okay. En guillemets, dans ma tête, ma saison est un peu comme terminée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Cette saison, je me suis bien entraîné. Je me suis pas blessé pour la première fois en 3 ans. Après, j'étais toujours blessé. Là, j'ai réussi à m'entraîner sans être blessé. Fait que là, la prochaine étape, c'est tranquillement s'enligner pour la préparation à l'automne. Puis cette période-là va me permettre de préparer ma saison intérieure pour ma première saison universitaire. Tu veux-tu compétitionner encore longtemps, Alex? Quand tu dis que c'était la première année que j'aurais pu vraiment qualifié pour les championnats canadiens, être le podium, quoi. Et là, finalement, la compétition était plus ou moins forte. Puis là, tu dis une autre année, les meilleurs coureurs vont être là. Est-ce que tu veux compétitionner encore longtemps ou tu veux. À chaque année, tu sais, moi, comme je te dis, j'étais toujours blessé. Okay. Là, on a eu, tu sais, j'ai connu quand même ma meilleure saison à vie. J'ai répété des 1:50 ou 800 mètres à la profusion. Fait que c'est ce que j'avais jamais réussi à le faire. Je le faisais toujours juste une fois, mettons. Là, j'ai réussi à le faire plusieurs fois, 4-5 fois. Donc, maintenant que là, cette étape-là est faite, le temps de baisser les chronos pour l'été prochain. Puis je pense que ça fait comme 3 ans que je fais le même chrono. Fait que moi, je pense que quand ça va descendre une bonne coche. Puis je vais être rendu. Je pense que je vais être pas mal rapproché des meilleurs au Canada. Ça vient dur, hein, maintenant, hein, de quand t'es rendu dans les centièmes de seconde, puis dans les dixièmes de seconde, c'est là qu'ils sont les plus durs à aller chercher. Hein. Oui, en effet. Il faut travailler. Ouais. On travaille en entraînement, puis. Alex, on va te souhaiter bonne chance, puis on va se reparler pour ta prochaine compétition dans 2 semaines. Merci Alex Bussière de Dolbeau-Mississippi qui a participé au championnat canadien à Edmonton en athlétisme.